L'exposition de livres, de timbres et d'objets d'artisanat coréen est ouverte le 8 septembre au Musée de l'Histoire de la ville de Dimitrov de la région de Moscou à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Dans la galerie, il y avait la photo du général Kim Jong-il rencontrant le président Poutine. Y étaient également exposées les œuvres classiques du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les livres sur la réalité de la Corée du Sud et les objets d'artisanat empreints de l'intelligence et du talent des Coréens. Au service d'ouverture ont participé les personnalités et les habitants de la ville de Dimitrov. Ils ont déposé les bouquets de fleurs devant la photo du général Kim Jong-il rencontrant le président Poutine avant de formuler leur hommage.